C'est le meilleur ennemi d'Israël, le Hamas. Un mouvement palestinien dont les dirigeants israéliens ne parlent que pour le qualifier invariablement de terroriste. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, nous l'avons vu la semaine passée avec M. X. Le fondateur de cette organisation, implantée à Gaza, et issu de la confrérie des frères musulmans, le cheikh Yassine, a en effet longtemps bénéficié de la mansuétude, sinon de la connivence des autorités de l'État hébreu, ne serait-ce que parce que ce mouvement intégriste faisait pièce à l'OLP de Yasser Arafat. Dans cette mesure, peut-on affirmer que le Hamas est une créature d'Israël? Monsieur X ne va pas aussi loin. Mais il a mis en évidence que très longtemps, les Israéliens n'ont pas voulu considérer que la Moujama al-Islami, ancêtre du Hamas, cesserait d'être attentiste et de se consacrer exclusivement à l'action religieuse et sociale et deviendrait, tôt ou tard, un redoutable adversaire. Aveuglement coupable ou machiavélisme mal assumé? Les deux sans doute. Car il était inéluctable que le mouvement de Yassine, après avoir été choyé, basculerait un jour dans l'action violente. Ce qui s'est produit lors de la première Intifada en 1987. Monsieur X poursuit son récit et explique pourquoi, aux yeux des dirigeants israéliens, le Hamas est devenu ce monstre terroriste qu'il faudrait abattre à tout prix. Inter. Patrick Pénaud a rendez-vous avec X. Un mot d'abord sur le fonctionnement assez curieux du Hamas. Si ses troupes et ses militants sont essentiellement implantés dans la minuscule bande de Gaza, sa direction est installée à l'extérieur. D'abord à Damas jusqu'en 2011, puis au Caire jusqu'en juillet 2013 et actuellement à Doha, au Qatar. Et son chef, c'est Khaled Meshaal. Un homme dont nous allons longuement reparler, car il est au centre d'une affaire rocambolesque où, pour une fois, le service de renseignement israélien, le Mossad, a commis une incroyable bévue. Enfin, bon, n'allons pas trop vite. Le Hamas, piloté de l'extérieur, dispose aussi dans les territoires occupés d'une direction intérieure composée d'une branche politique et d'une branche militaire. Alors, Bon, je vous propose de poursuivre là où je m'étais arrêté la semaine passée. Oui, c'est-à-dire à la création du Hamas lors de la première intifada. Fin 1987, oui. Je vous rappelle que si le cheikh Yassine a fini par prendre cette décision, bah, c'est contraint et forcé. Oui, parce qu'à Gaza, la rue condamnait son attentisme. Elle l'accusait même de faire le jeu des autorités israéliennes d'occupation. Oui. Donc d'un seul coup, il tourne Gazak. Et condamne cette occupation. Il dénonce aussi la politique israélienne de colonisation dans les territoires. Alors ça, c'est une véritable déclaration de guerre à l'État israélien. Oui, et pourtant, de façon assez étrange, l'aveuglement israélien paraît se poursuivre. L'administration israélienne à Gaza estime que le danger est exagéré. Une analyse confirmée par un rapport rédigé par des experts civils, selon lesquels la Mujama... C'est l'organisation du cheikh Yassine. Hein. Donc, selon ses spécialistes, la Mujama est une structure pragmatique qui agit dans un cadre officiel. Par conséquent, ils pensent que l'organisation ne porte pas un intérêt particulier à la poursuite des troubles, ni à participer à un soulèvement. Et ils mettent l'accent sur ces importantes activités sociales et religieuses qui sont légales. Conclusion, la Mujama, qui est le groupe populaire le plus important à Gaza, n'est ni terroriste, ni ouvertement hostile aux autorités israéliennes. Donc pas de crainte à avoir. Alors que, je vous le rappelle, le Hamas est directement issu de ses rangs. Le Hamas qui, justement, rend publique sa charte en août 1988. Un texte qui reflète étroitement la pensée du cheikh Yassine, son chef. Mais qui trouve-t-on ? Ce programme politique est aussi farci de versets coraniques et émaillé de considérations religieuses et pseudo-philosophiques assez délirantes. Le combat des militants islamistes contre les juifs est d'abord jugé inexpiable. Inexpiable ? C'est-à-dire que rien ne pourra l'arrêter ou l'apaiser jusqu'à la victoire. Une victoire divine qui est assurée. Ensuite, ce texte est imprégné d'une mentalité conspirationniste. L'ennemi, c'est le sionisme international qui a bien sûr partie liée avec la franc-maçonnerie. Et c'est cet hydre qui a manipulé la Révolution française, le bolchevisme et d'une façon générale la plupart des révolutions dans le monde. Un ennemi multiforme qui a également provoqué la première comme la seconde guerre mondiale avant d'assujettir l'ONU pour mieux réaliser ses projets d'accaparement de la terre de Palestine. Oui, c'est délirant et on n'est pas loin des affabulations criminelles, des trop fameux protocole des sages de Sion. En effet, et il y a même fait référence. En tout cas, disons-le tout de suite, le Hamas va traîner cette charte paranoïaque comme un véritable boulet. Toutefois, contrairement à ce qu'on a longtemps prétendu, le texte ne prône pas explicitement la destruction d'Israël ou l'extermination des Juifs. Oui, peut-être, mais enfin, c'est quand même un brûlot de haine. Et qui a recours aux poncifs les plus éculés de la propagande judéophobe. Et qui, selon les théologiens musulmans, est même un tissu d'ineptie, ce que reconnaissent en privé de nombreux membres du Hamas. Mais le problème, c'est que cette charte stupide ne sera jamais désavouée par les dirigeants de l'organisation palestinienne. Et puis, j'allais oublier, ce texte condamne aussi la rivale, l'OLP, accusée de compromission, tandis que le Hamas, lui, représente la pureté. Or, justement, toujours en 1988, cette même OLP franchit un pas considérable. Expliquez. L'organisation de Yasser Arafat proclame l'État de Palestine, reconnaît les résolutions de l'ONU sur le partage de la Palestine en deux États, le retour aux frontières de 1967 et réaffirme sa condamnation du terrorisme. Ouais. Et sur le terrain, alors, est-ce que le Hamas passe à l'action ? Oui, en février 1989. Un sergent israélien est kidnappé et assassiné. Enterré, on ne découvrira sa dépouille que 3 mois plus tard. Puis en mai, un autre soldat est enlevé et tué près d'Ascalon. Hors de la bande de Gaza, donc. D'où, après ces deux actions meurtrières, une riposte attendue. Le cheikh Yassine est arrêté. Et au cours des jours suivants, plus d'un millier de militants sont appréhendés à leur tour. Ils seront libérés quelques mois plus tard. Mais pas le cheikh paralytique qui, lui, est condamné à la prison à vie par un tribunal militaire israélien. En même temps, des cellules militaires du Hamas sont démantelées, qui n'empêchent nullement le mouvement de poursuivre ses activités sociales et religieuses qui sont, si j'ose dire, son fonds de commerce. Et il faut attendre septembre 1989 pour que le Hamas soit déclaré illégal par Israël. Est-ce que la répression a eu raison de la possibilité d'agir de l'organisation ? Non. Ceci vrai qu'en 1992, le Hamas crée une nouvelle branche militaire, la brigade Ezzedine al-Qassam, du nom de ce Palestinien qui a pris les armes contre le colon britannique au cours des années 30. Dès lors, le Hamas est inscrit par Washington sur la liste des organisations terroristes. Mais je reviens un tout petit peu en arrière. En août 90 exactement, lorsque Saddam Hussein, persuadé que les Américains ne réagiront pas, envahit le Koweït, Arafat commet alors une grave erreur. Oui, il affirme son soutien au dictateur irakien, c'est ça. Il en paiera longtemps le prix. Ça n'empêche pourtant pas, un peu plus tard, l'ouverture de discussions secrètes entre des émissaires palestiniens et israéliens. Ça commence à Madrid, en 1991. Mais le Hamas n'en est pas. Non, seul l'OLP est représenté. Et ça va relativement vite. En août 1993, on annonce un accord israélo-palestinien intérimaire qui a été négocié dans le plus grand secret à Oslo. Et bientôt, ce seront effectivement les accords d'Oslo. Hein. Qui seront signés à la Maison-Blanche. Je vous rappelle en deux mots le contenu de cet accord qui a soulevé tellement d'espoir. Les deux parties, Israël et l'OLP, reconnaissent leurs droits légitimes et politiques et adoptent un calendrier de négociation jusqu'en avril 1999. Malgré un léger retard, les deux premières étapes sont franchies. En avril 1994, un accord intervient sur le retrait par étapes des troupes israéliennes dans la bande de Gaza et à Jéricho. Puis, en septembre 1995, est signée l'extension de l'autonomie palestinienne à la Cisjordanie, sous la direction de l'autorité palestinienne qui a été créée en 1994. Oui, mais plusieurs obstacles surgissent. Oui, il y a d'abord le massacre de 29 musulmans en prière dans le caveau des patriarches à Hébron par un illuminé juif. Le Hamas en profite pour se manifester. En représailles, il perpètre un premier attentat suicide. Et c'est le début d'une véritable guerre civile entre l'OLP et le Hamas, alors que Yasser Arafat, de retour d'exil, arrive à Gaza. En novembre 1994, la police palestinienne ouvre le feu sur des manifestants islamistes. À Gaza. Oui. Et la police palestinienne est alors aux ordres de l'OLP. Hein. Oui, à cette occasion, 14 militants du Hamas sont tués. C'est la première fois que des Palestiniens s'entretuent. Et du côté du Hamas, on parle d'un vendredi noir. Et c'est très grave, parce que les militants du Hamas considèrent désormais que l'OLP est devenu un allié objectif d'Israël. Et donc un ennemi. Toutefois, devant les menaces d'une extension de cette guerre fratricide, les deux adversaires décident de jouer la carte de l'apaisement. Au grand dam d'Israël, qui n'apprécie pas cette entente. Ouais, Israël qui préfère avoir affaire à deux entités palestiniennes plutôt qu'une seule. Bah, évidemment. Il faut aussi observer une évolution politique à l'intérieur même du Hamas. Si certains, les plus radicaux, se prononcent toujours en faveur de la récupération de tous les territoires de la Palestine historique... Y compris celui où s'est installé Israël. Hein, oui, hein. Oui. D'autres, plus pragmatiques, prônent d'abord la fin de l'occupation sur les territoires occupés. Mais un nouveau coup de théâtre va intervenir. Ouais, je vois. L'assassinat du premier ministre israélien Rabin en novembre 1995. Par un extrémiste juif. Et bientôt, les accords d'Oslo ne seront plus qu'un chiffon de papier. Monsieur X l'a dit, au Hamas, à l'heure des accords d'Oslo, il n'y avait pas unanimité chez les militants. Le cheikh Yassine, depuis sa prison, a exprimé sa propre position. Et contre toute attente, il se prononce en faveur des plus réalistes. C'est ce qu'explique Aude Signol dans un article de l'ouvrage collectif « Les islamistes au défi du pouvoir » paru chez Michalon. Extrait. En 1995, Ahmed Yassine appelle ainsi ses sympathisants à envisager l'idée d'un cessez-le-feu prolongé avec Israël à condition que cet État accepte de se retirer de l'ensemble des territoires occupés. Pour le leader spirituel du mouvement, il s'agit de prendre acte du fait que depuis la signature des accords d'Oslo, la population palestinienne exprime largement son souhait de voir son cadre de vie enfin normalisé. Tel est notamment le cas de la jeunesse éduquée née sous l'occupation israélienne. La branche politique du Hamas reprend alors l'idée chère à l'OLP de l'établissement d'un État palestinien sur les seuls territoires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Rendez-vous avec X. Pour la paix au Proche-Orient, la disparition de Rabin est évidemment une catastrophe. Car le signataire des accords d'Oslo, qui après avoir été un faucon, était devenu une colombe, est allé très loin dans sa volonté d'aboutir à une réconciliation entre Israéliens et Palestiniens. Mais aussi avec les Syriens. Dès 1992, il s'était par exemple engagé secrètement à opérer un retrait israélien du plateau du Golan. Oui, occupé aussi depuis 1967. Hein. Oui. Après la mort de Rabin, Israël respecte, au moins dans un premier temps, la parole qui a été donnée par feu son premier ministre. En décembre, 6 grandes villes de Cisjordanie, à l'exception de Hébron, sont évacuées par l'armée. Et un peu plus tard, en janvier, Arafat est élu président de l'autorité palestinienne. Mais cet apaisement est illusoire, pour plusieurs raisons. D'abord, du côté israélien, la droite dure est bien décidée à saboter les accords d'Oslo et à jouer sur la carte sécuritaire pour reconquérir le pouvoir lors des élections du mois de mai 1996. Mais Benjamin Netanyahou est alors son chef. Hein. En tant que leader du Likoud, oui. Premier et grave accro en janvier. Le Shin Bet... Mais rappelons, le Shin Bet, que s'agit du service de renseignement intérieur d'Israël. Hein. Le Shin Bet, donc, a localisé l'artificier du Hamas, l'ingénieur, comme on l'appelle. C'est Yahya Hayash, l'homme qui a permis à l'organisation islamiste de perpétrer plusieurs attentats suicides en 1995. Repéré, il est victime d'un piège particulièrement sophistiqué. Et il est tué. Bien sûr. Quelle que soit la légitimité de cette action, elle relance les activités terroristes. En février-mars 1996, de nouveaux attentats suicides répondent à cette liquidation, alors que le Hamas avait accepté de mettre fin à la violence. Mmh. Cet assassinat de l'ingénieur, là, en pleine campagne électorale, n'est donc peut-être pas le fait du hasard. On peut l'imaginer. Arafat a compris le danger. Il décide de faire le ménage chez les islamistes du Hamas. Plus d'un millier d'entre eux sont mis sous les verrous. Mais ça ne suffit pas à rassurer l'électorat israélien. En mai, Netanyahou l'emporte à quelques milliers de voix près sur son adversaire, Shimon Peres, accusé de façon caricaturale d'être d'abord l'ami des Palestiniens. Ouais, et Bibi, comme le surnomment les Israéliens, ne va rien avoir de plus pressé que de détricoter les accords d'Oslo. Bien entendu, car hier comme aujourd'hui, il est hostile à la création d'un État palestinien. Et d'une certaine façon, le Hamas, en commettant de nouveaux attentats suicides, conforte sa politique sécuritaire. Et c'est à ce moment-là que se déroule cet événement rocambolesque que je vous annonçais. Ben, je vous écoute. Le personnage principal, malgré lui, est Khaled Meshal, un dirigeant du Hamas qui, tout en restant dans l'ombre, est son principal trésorier et acheteur d'armes. Depuis le début des années 90, il s'est discrètement installé en Jordanie après avoir quitté le Koweït, envahi par Saddam Hussein. Et il laisse le premier rôle à un autre dirigeant du Hamas, également réfugié à Amman, Moussa Abou Marzouk. Mais quand celui-ci est expulsé, Meshal devient plus visible. Ouais, c'est désormais une cible. Bien entendu. Précision. Depuis octobre 1994, un traité de paix a été signé entre Israël et la Jordanie, devenu le principal médiateur dans les pourparlers de paix. En juillet 1997, un attentat suicide du Hamas à Jérusalem provoque 15 morts. Israël riposte en bouclant complètement la bande de Gaza. Et alors que Yasser Arafat avait entamé des discussions directes avec le chef de Shin Bet pour coordonner la coopération antiterroriste, un nouveau et triple attentat suicide ruine ce dialogue. Le président de l'autorité palestinienne décrète alors l'arrestation de dizaines de membres du Hamas. Mais ça ne suffit pas à calmer Netanyahou. Avec quelles conséquences ? Il demande au chef de la branche des opérations spéciales du Mossad de dresser une liste de cibles potentielles au sein du Hamas. Oui, je comprends. Et parmi eux, il y a Meshal. Oui, il est décidé d'utiliser un poison mis au point par les biologistes israéliens. C'est une substance mortelle qui ne laisse pas de traces et produit des effets comparables à une attaque cardiaque. La victime décède dans les 48 heures après que ce poison a été en contact avec sa peau. Pour plus de précaution, une femme médecin du Mossad est envoyée à Amman avec l'antidote au cas où les agents chargés de l'opération seraient accidentellement empoisonnés. Et quel est le plan prévu ? Deux hommes du Mossad doivent approcher Meshal. Le premier attire l'attention de la cible, tandis que l'autre asperge la nuque de Michal de poison. Tout doit être réalisé en 10 secondes. Et les deux agents s'enfuient à bord d'un véhicule stationné à proximité. Mais en amont, l'opération a été mal préparée. C'est-à-dire ? D'abord, les deux agents choisis pour agir n'ont jamais travaillé en pays arabe et ils ont un fort accent israélien. Pire, porteurs de papiers canadiens, ils ignorent tout de leur prétendue patrie. D'autre part, en cas de pépin, aucun itinéraire de secours n'a été prévu. Mais surtout, la présence d'un garde du corps de Meshaal n'a pas été prise en compte. Ouais, je vois, on va tout droit vers un cafouillage, quoi. Le jeudi 25 septembre, vers 10h du matin, Meshaal sort de son domicile pour rejoindre son bureau. Sa voiture et son chauffeur l'attendent. Ses trois enfants sont déjà montés à l'arrière. Dans une deuxième voiture se trouve un autre chauffeur et le garde du corps. Le convoi démarre. Arrivé devant son bureau, Meshaal descend du véhicule. Il est alors approché par un homme blond et barbu avec la main droite bandée. Au moment où Meshaal rejoint le trottoir, l'homme trébuche et semble tomber sur lui. Il approche alors sa main bandée contre le visage de l'homme du Hamas, qui sent un souffle d'air dans son oreille. Un souffle d'air, un aérosol contenant le poison ? Oui, mais le blond est plaqué au sol par Abou Saïf, le garde du corps. Son complice vient à sa rescousse. Une bagarre éclate. Les deux assassins réussissent à se dégager et rejoignent un troisième homme qui les attend dans une Hyundai. Mais le garde du corps parvient à les prendre en chasse en arrêtant au déboîté un automobiliste. Il a eu le temps de noter le modèle et la plaque d'immatriculation du véhicule des fuyards. Ceux-ci, bloqués dans un embouteillage, continuent à pied, toujours poursuivis par le garde du corps. Ils pénètrent dans un jardin public. Le blond fait face et frappe Abou Saïf, avec un outil tranchant. Et tout ça, ça n'était pas prévu, hein ? Bien entendu, une mêlée s'ensuit, mis en difficulté, le garde du corps hurle, ils ont tué Khaled Meshaal, c'est le Mossad ! Dans la foule qui observe se trouve un officier palestinien armé. Il vient à l'aide de Saïf et sous la menace de son pistolet, il met fin à la bagarre. Les deux assassins sont conduits dans un poste de police. Se présentant comme citoyens canadiens, ils prétendent avoir été violemment agressés, mais malheureusement pour eux, le consul du Canada à Amman, averti par la police, débarque au commissariat et n'a aucun mal à débusquer leurs mensonges. Et pour les Israéliens, c'est la catastrophe. Netanyahou est aussitôt alerté. Le bilan est terrible. 2 membres du Mossad arrêtés et 6 autres en fuite ou réfugiés à l'ambassade israélienne. Ouais. Réaction alors ? Le premier ministre israélien contacte le roi Hussein de Jordanie et lui demande de recevoir le chef du Mossad. Reçu à la résidence royale au nord de la capitale, en présence du chef des services secrets jordaniens, celui-ci, penaud, doit tout reconnaître. Et surtout le fait que la mort de Meshaal est imminente. Hussein entre dans une violente colère et ordonne l'encerclement de l'ambassade d'Israël. Mais l'urgence, c'est l'état de santé de Meshaal. Oui, il faut le sauver. Après avoir contacté Netanyahou, le chef du Mossad finit par avouer qu'il existe un antidote au poison. Il est en possession de la deuxième équipe qui a trouvé refuge à l'ambassade. Mais tandis que les heures tournent et que Meshaal va de plus en plus mal, méfiance et réticence règnent de part et d'autre. Washington est pressé d'intervenir. Le président Clinton, par le biais de son envoyé spécial au Proche-Orient, exige des Israéliens qu'ils acceptent sans discuter toutes les demandes du roi Hussein. Celui-ci menace en effet de mettre fin au traité de paix israélo-jordanien et même de faire pendre les 2 agents du Mossad. Netanyahou est donc coincé. Bon, je vous épargne le détail d'une négociation haletante. Mais le dirigeant israélien doit finalement manger son chapeau. Non seulement il est obligé de livrer l'antidote qui doit sauver Meshaal, et pour éviter une crise majeure, il sera contraint de relâcher le cheikh Yassine emprisonné depuis 1989. Le chef et fondateur du Hamas sera remis aux Jordaniens et il pourra ensuite regagner Gaza. C'est donc une véritable humiliation pour Netanyahou. Hein. Même s'il a réussi à arracher la libération de ses 4 agents réfugiés à l'ambassade d'Israël de Jordanie. Et Meshaal alors ? Ayant reçu une injection de l'antidote, il se remet doucement dans un hôpital militaire jordanien. Mais l'affaire a forcément laissé des traces. Le roi Hussein a ordonné le gel d'un accord de coopération bilatérale en matière de sécurité. Et puis il restait encore à régler le sort des 2 agents du Mossad détenus par la police jordanienne. Oui, et ça ressemblait à une sorte de provocation, puisque la tâche a été confiée à Ariel Sharon. Sharon, modérément apprécié dans le monde arabe. Et c'est un euphémisme, quoi qu'il en soit. Sharon a essayé de jouer les gros bras, mais il a dû se plier aux exigences jordaniennes. Outre la libération de Yassine, déjà acquise, d'autres cadres du Hamas seront élargis, et également quelques prisonniers de l'OLP. Et les conséquences en Israël ? Inutile de vous dire que Netanyahou y a été vivement critiqué. Mais il s'est courageusement défaussé en attribuant toute la responsabilité du fiasco sur le Mossad, alors qu'il est clairement établi que c'est le Premier ministre en personne qui a donné le feu vert à son service secret. France Inter, rendez-vous avec X et avec Patrick Pénaud. Qui est réellement Khaled Meshal ? D'après Yvonique de Noël, auteur des guerres secrètes du Mossad, c'était en 1996 le responsable des relations extérieures du Hamas. Le même auteur écrit ensuite, je cite, « Meshal prenait soin de ne pas apparaître dans les médias ». Mais le renseignement jordanien s'intéressait de très près à lui et à ses activités, réunir des fonds, des armes et des moyens militaires. Il faisait également partie d'un triumvirat qui décidait de toutes les opérations militaires de la branche armée du mouvement, les brigades Al-Qassam. Ce double rôle politique et militaire faisait de lui un des hommes les plus puissants du Hamas. Qui contrôlait l'argent ? Meshal. Qui contrôlait les armes ? Meshal, qu'il adopta un profil bas dans le débat politique interne, ne changeait rien au fait qu'aucune opération d'importance ne pouvait être lancée sans son feu vert. Issu d'une famille palestinienne des classes moyennes vivant dans les territoires occupés, il avait accompli ses études au Koweït. Meshal était perçu comme un stratège doctrinaire et visionnaire avec une vision politique de long terme. Si l'affaire Meshal a été un grave échec pour Israël, elle n'a pas pour autant satisfait Yasser Arafat, qui n'avait nulle envie de revoir son rival Yassine à Gaza. Et on voudra quelque temps au roi Hussein. Oui, c'est d'autant plus embarrassant pour Arafat que cette histoire a dû renforcer la popularité du cheikh Yassine. Et celle du Hamas. C'était presque obligatoire. Le quasi inconnu Meshal lui-même a accédé à une notoriété internationale. Et malgré le retour du chef légitime et officiel, il va monter en grade et deviendra même le vrai leader de l'organisation, après l'assassinat de Yassine en 2004. Pourtant, il faut observer que la lune de miel entre le Hamas et la Jordanie ne va pas durer très longtemps. Hussein ne tarde pas à se rabibocher avec Arafat. Durcit le ton avec le Hamas et finit par expulser les cadres du Hamas. Meshal aussi. Effectivement, et il va déménager à Damas. Avant, beaucoup plus tard, je crois vous l'avoir dit, de rejoindre le Qatar. À noter toujours, en ce qui concerne Meshal, que ce dirigeant a toujours été considéré comme un radical. Or, il va évoluer et même adopter un ton plus nuancé. En 2011, il se ralliera même à l'idée de la création d'un État palestinien à côté d'Israël. Et au sein du Hamas, ça fera grincer des dents. Ce qui ne l'empêchera pas de se faire réélire à la tête de l'organisation en avril 2013. Mais je reprends mon récit là où je l'avais laissé avant de vous raconter cet incroyable fiasco du Mossad. Mais c'est une bévue qui rappelle d'ailleurs celle commise assez récemment, hein, toujours par des agents du Mossad, à Dubaï. Exactement. Yassine, qui a été accueilli triomphalement à Gaza, entreprend à partir de février 1998 une grande tournée afin de remercier ses soutiens et ses généreux donateurs étrangers. Il se rend ainsi en Égypte, où il ne peut toutefois rencontrer des représentants des frères musulmans. Puis, il participe au pèlerinage de la Mecque, visite les Émirats du Golfe, la Syrie, le Soudan, et effectue même une visite officielle à Téhéran. Ah, chez les chiites. Qui le reçoivent chaleureusement. En tout cas, partout, Yassine est bien accueilli et draine des fonds. Cette même année, 1998, Bill Clinton tente à nouveau de relancer le processus de paix, avec un nouvel interlocuteur du côté israélien. Netanyahou, désavoué, a été remplacé par le travailliste Ehud Barak. Mais les négociations de Camp David II, puis de Taba, échoue de justesse. Et pourtant, on avait l'impression de n'être jamais passé aussi près de la paix. Et Barak, au dernier moment, s'est dérobé. Oui, en prétextant les élections prochaines dans son pays. Bon, inutile de souligner que le Hamas a été résolument hostile à ces négociations de paix. Le Hamas qui se trouve un allié inattendu en la personne de Sharon. Et vous voulez parler de la visite de Sharon là, sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem en septembre 2000, c'est ça? Oui, juste avant les élections, une provocation évidente. On relève 4 morts et 160 blessés malgré un important déploiement policier. Et 2 jours plus tard, c'est le début de la seconde intifada qui va permettre au Hamas de renforcer encore sa popularité. Oui, tandis que Sharon, lui, remporte les élections. Oui, en février 2001. Et très largement. La suite est presque inévitable. Dès le début du mois de mars, le Hamas annonce la reprise des attentats suicides. Sa branche armée reçoit le renfort de nombreux militants qui ont pu s'échapper des prisons palestiniennes lorsque celles-ci ont été bombardées par l'armée israélienne. Et l'enchaînement de la violence se poursuit. Le Hamas tire au mortier sur la ville de Sderot. Oui, ça c'est en Israël. Et Tsahal réplique en se livrant à des liquidations ciblées à Gaza. Arafat a beau donner l'ordre à sa police de cesser les tirs d'obus, le climat s'envenime. Le leader palestinien, accusé de soutenir le terrorisme international, est désormais la bête noire de Sharon, mais aussi de Washington, où Bush Jr. a succédé à Clinton. Pourtant, Arafat essaie de leur donner des gages. En décembre, sa police arrête une centaine de militants du Hamas, dont 2 dirigeants. Il est même prêt à s'emparer du Sheikh Yassin. Mais plus de 1000 manifestants font barrage. Est-ce que ces preuves de bonne volonté à l'égard d'Israël sont prises en compte ? Nullement. Sharon, dans une allocution à la télé, rejette la responsabilité des derniers attentats sur Arafat et non pas sur le Hamas qui les a commis. Pour lui, l'autorité palestinienne est une entité soutenant le terrorisme. Oui, il faut observer que c'est une déclaration qui intervient après le 11 septembre 2001. Et qui est destinée à être prioritairement entendue par les États-Unis. Il est donc demandé à Arafat de tout mettre en œuvre pour liquider le Hamas dans le cadre de la lutte mondiale contre le terrorisme lancée par George Bush. Mais Arafat le peut-il ? À l'évidence, non. Arafat, pratiquement prisonnier dans sa résidence de Ramallah, parvient toutefois à convaincre le Hamas et le djihad islamique de cesser, jusqu'à nouvel ordre, les attentats suicides et les tirs d'obus de mortier sur des cibles israéliennes. Mais cette trêve est rompue en janvier 2002 à la suite de heurts entre Hamas et Tsahal, à la frontière sud d'Israël. Peu de temps auparavant, Israël avait autorisé, ou plutôt enjoint Arafat, de procéder à des arrestations d'activistes dont les noms figuraient sur une liste qui lui avait été transmise. Et au risque alors de faire passer les policiers palestiniens pour des supplétifs de Tsahal. En effet. Enfin, je vais vite. En 2004, les événements se précipitent. Il y a d'abord la mort du Sheikh Yassin dans un raid israélien. Et tout de suite après, c'est le tour de son successeur à la tête du Hamas, Abdelaziz Rantissi. Et c'est donc Meshal qui lui succède. Depuis son exil. Puis, alors que les tirs de roquettes du Hamas tombent à nouveau sur Israël, Arafat meurt dans un hôpital parisien. Et on s'interroge encore aujourd'hui sur les véritables causes de son décès. Bon, la rumeur de son empoisonnement court toujours, mais je poursuis. Au mi-temps de l'année 2005, intervient la décision assez ébouriffante de Sharon qui décide d'évacuer la bande de Gaza. Ouais. Les Israéliens s'en vont. Non sans avoir tout détruit dans les colonies évacuées. Le résultat, c'est qu'on s'oriente dorénavant vers l'existence de 2 entités palestiniennes pratiquement autonomes. Et rivales. C'est d'autant plus vrai que dès 2006, les élections législatives à Gaza accordent une majorité absolue au Hamas. Le Fatah est donc le grand perdant. Et en juin 2007, l'éclatement de l'autorité palestinienne en 2 parties est entériné de fait. D'un côté, la Cisjordanie, ou ce qu'il en reste, car le territoire est de plus en plus mité par les colonies israéliennes, et de l'autre, Gaza, qui, en raison du blocus terrestre et maritime que lui impose Israël, devient une véritable prison à ciel ouvert. La suite, vous la connaissez, car elle est récente. En décembre 2008 et janvier 2009, c'est l'opération Plomb durci. Ouais, déjà destinée, en principe, à empêcher les artificiers du Hamas d'envoyer des roquettes en Israël. Et le bilan est terrible. 1400 Palestiniens sont tués. Puis, à l'automne 2012, on assiste à des affrontements entre Israël et le Hamas. Des incidents qui interviennent opportunément au moment où le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, tente de convaincre la communauté internationale de faire de la Palestine un État observateur à l'ONU. Opportunément, avez-vous dit. Oui, parce que ça profite à la fois à Netanyahou, de retour aux affaires depuis l'empêchement de Sharon, plongé dans le coma, et au Hamas. Alors, ça serait une répétition de l'étrange connivence passée ? Oh, n'exagérons quand même pas. Puis, en avril 2014, le Hamas et le Fatah esquissent une réconciliation. En juin, un cabinet d'entente chargé de préparer la tenue d'élections présidentielles et législatives dans les 6 mois. Et même constitué sous l'autorité du président Mahmoud Abbas. Attendez, s'agit-il d'une vraie et sincère réconciliation entre les deux frères ennemis ? On peut en douter. Pour Israël, elle est inacceptable. Parce que ça signifie une remise en selle du Hamas que les dirigeants israéliens, ils ne sont pas les seuls, continuent à considérer comme une organisation terroriste. Alors, dans ces conditions, il ne faut peut-être pas s'étonner de la nouvelle opération militaire de Tsahal, conduite au cours du dernier été à Gaza. Mais barrière de protection. Tel était son nom. Et encore, une fois, le bilan humain est effroyable. 2140 Palestiniens tués, en majorité des civils et beaucoup d'enfants. Entièrement d'accord, mais vous semblez oublier là, que cette opération militaire a été précédée par l'enlèvement puis l'assassinat de 3 jeunes colons israéliens dans la région d'Hébron. Non, je n'oublie pas, mais j'observe qu'un grand flou a entouré cette affaire. Il y a d'abord ce silence médiatique de 3 semaines après l'enlèvement, et ensuite l'accusation tout à fait hâtive contre le Hamas. Alors, parce que selon vous, ce ne serait pas le Hamas ? Je n'ai pas dit ça. Mais dans une affaire criminelle, il faut apporter des preuves crédibles. En tout cas, ça a permis aux autorités israéliennes de réoccuper les zones autonomes de Cisjordanie et de procéder à des centaines d'arrestations dans les rangs du Hamas. Sans d'ailleurs que celui-ci ne riposte. Il faudra attendre les appels à la vengeance lancés par Netanyahou sur les réseaux sociaux, puis le lynchage d'un jeune Palestinien brûlé vif à Jérusalem, pour que le Hamas bouge et commence à envoyer des roquettes sur Israël. En amorçant donc un nouveau cycle de violence. Vous voyez donc qu'il faut voir cet engrenage sanglant avec un regard particulièrement critique. Cette émission a été réalisée par Michel Billou avec le talent technique de Rémi Quincet, mise en musique par Monsieur Joub et préparée par Rebecca de Nantes, qui a lu, entre autres, cet ouvrage. Oui, l'indispensable livre de Charles Anderlin, Le Grand Aveuglement, sorti en 2009 chez Fayard, sur la montée en puissance du Hamas. Je voulais aussi vous dire un mot sur le site d'information orient21.info, très bien documenté sur le Moyen et le Proche-Orient. Il a été créé il y a plus d'un an par un collectif de journalistes, de chercheurs et de diplomates qui veulent contribuer ainsi à une meilleure connaissance de cette région. Et je trouve que l'initiative est vraiment bienvenue au vu de l'actualité brûlante de ces dernières semaines. Merci Rebecca. Sur franceinter.fr, vous pourrez nous retrouver avant le rendez-vous de samedi prochain. Et tout de suite après le flash, CO2, mon amour de Denis Chessou.